Première partie des passions en général et par occasion de toute la nature de l'homme. Article 1. Que ce qui est passion au regard d'un sujet est toujours action à quelque autre égard. Il n'y a rien en quoi paraisse mieux combien les sciences que nous avons des anciens sont défectueuses qu'en ce qu'ils ont écrit des passions. Car bien que ce soit une manière dont la connaissance a toujours été fort recherchée, et qu'elle ne semble pas être des plus difficiles à cause que chacun les sentant en soi-même, on n'a point besoin d'emprunter d'ailleurs aucune observation pour en découvrir la nature. Toutefois, ce que les anciens en ont enseigné est si peu de choses, et pour la plupart si peu croyables, que je ne puis avoir aucune espérance d'approcher de la vérité qu'en m'éloignant des chemins qu'ils ont suivis. C'est pourquoi je serais obligé d'écrire ici, en même façon que si je traitais d'une matière que jamais personne avant moi n'eût touché. Et pour commencer, je considère que tout ce qui se fait ou qui arrive de nouveau est généralement appelé par les philosophes une passion au regard du sujet auquel il arrive, et une action au regard de celui qui fait qu'il arrive. En sorte que, bien que l'agent et le patient soient souvent fort différents, l'action et la passion ne laissent pas d'être toujours une même chose, qui a ces deux noms, à raison des deux divers sujets auxquels on la peut rapporter. Article 2. Que pour connaître les passions de l'âme, il faut distinguer ses fonctions d'avec celles du corps. Puis aussi je considère que nous ne remarquons point qu'il y ait aucun sujet qui agisse plus immédiatement contre notre âme que le corps auquel elle est jointe, et que, par conséquent, nous devons penser que ce qui est en elle une passion est communément en lui une action. En sorte qu'il n'y a point de meilleur chemin pour venir à la connaissance de nos passions que d'examiner la différence qui est entre l'âme et le corps, afin de connaître auquel des deux on doit attribuer chacune des fonctions qui sont en nous. Article 3. Quelles règles on doit suivre pour cet effet ? À quoi on ne trouvera pas grande difficulté si on prend garde que tout ce que nous expérimentons être en nous, et que nous voyons aussi pouvoir être en des corps tout à fait inanimés, ne doit être attribué qu'à notre corps, et au contraire que tout ce qui est en nous, et que nous ne concevons en aucune façon pouvoir appartenir à un corps, doit être attribué à notre âme. Article 4. Que la chaleur et le mouvement des membres procèdent du corps et les pensées de l'âme. Ainsi, à cause que nous ne concevons point que le corps pense en aucune façon, nous avons raison de croire que toutes sortes de pensées qui sont en nous appartiennent à l'âme. Et à cause que nous ne doutons point qu'il y ait des corps inanimés qui se peuvent mouvoir en autant ou plus de diverses façons que les nôtres, et qui ont autant ou plus de chaleur, ce que l'expérience fait voir en la flamme, qui seule a beaucoup plus de chaleur et de mouvement qu'aucun de nos membres, nous devons croire que toute la chaleur et tous les mouvements qui sont en nous, en tant qu'ils ne dépendent point de la pensée, n'appartiennent qu'au corps. Article 5. Que cette erreur de croire que l'homme donne le mouvement et la chaleur au corps. Au moyen de quoi nous éviterons une erreur très considérable, en laquelle plusieurs sont tombés, en sorte que j'estime quelle est la première cause qui a empêché qu'on ait pu bien expliquer jusqu'ici les passions et les autres choses qui appartiennent à l'âme. Elle consiste en ce que, voyant que tous les corps morts sont privés de chaleur, et ensuite de mouvement, on s'est imaginé que c'était l'absence de l'âme qui faisait cesser ces mouvements et cette chaleur. Et ainsi on a cru sans raison que notre chaleur naturelle et tous les mouvements de nos corps dépendent de l'âme, au lieu qu'on devait penser au contraire que l'âme ne s'absente lorsqu'on meurt qu'à cause que cette chaleur cesse, et que les organes qui servent à mouvoir le corps se corrompent. Article 6. Quelle différence il y a entre un corps vivant et un corps mort ? Afin donc que nous évitions cette erreur, considérons que la mort n'arrive jamais par la faute de l'âme, mais seulement parce que quelqu'une des principales parties du corps se corrompt, et jugeons que le corps d'un homme vivant diffère autant de celui d'un homme mort que fait une montre ou autre automate, c'est-à-dire autre machine qui se meut de soi-même, lorsqu'elle est montée et qu'elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée, avec tout ce qui est requis pour son action, et la même montre ou autre machine lorsqu'elle est rompue et que le principe de son mouvement cesse d'agir. Article 7. Brève explication des parties du corps et de quelques-unes de ses fonctions. Pour rendre cela plus intelligible, j'expliquerai ici, en peu de mots, toute la façon dont la machine de notre corps est composée. il n'y a personne qui ne sache déjà qu'il y a en nous un cœur, un cerveau, un estomac, des muscles, des nerfs, des artères, des veines et choses semblables. On sait aussi que les viandes qu'on mange descendent dans l'estomac, et dans les boyaux, d'où leur sucre, coulant dans le foie et dans toutes les veines, se mêlent avec le sang qu'elles contiennent, et par ce moyen en augmentent la quantité. Ceux qui ont tant soit peu, oui, parlé de la médecine, savent, outre cela, comment le cœur est composé, et comment tout le sang des veines peut facilement couler de la veine cave en son côté droit, et de la passer dans le poumon par le vaisseau qu'on nomme la veine artérieuse, puis retourner du poumon dans le côté gauche du cœur par le vaisseau nommé l'artère veineuse, et enfin passer de là dans la grande artère, dont les branches se répandent partout le corps. Même tous ceux que l'autorité des anciens n'a point entièrement aveuglés et qui ont voulu ouvrir les yeux pour examiner l'opinion d'Hervaius touchant la circulation du sang, ne doutent point que toutes les veines et les artères du corps ne soient comme des ruisseaux, par où le sang coule sans cesse fort promptement, en prenant son cours de la cavité droite du cœur, par la veine artérieuse, dont les branches sont éparses en tout le poumon et jointes à celle de l'artère veineuse, par laquelle il passe du poumon dans le côté gauche du cœur. Puis de là, il va dans la grande artère, dont les branches éparses par tout le reste du corps sont jointes aux branches de la veine cave, qui portent de rechef le même sang en la cavité droite du cœur. En sorte que ces deux cavités sont comme des écluses, par chacune desquelles passe tout le sang à chaque tour qu'il fait dans le corps. De plus, on sait que tous les mouvements des membres dépendent des muscles, et que ces muscles sont opposés les uns aux autres, en telle sorte que, lorsqu'un d'eux s'accourcit, il tire vers soi la partie du corps à laquelle il est attaché, ce qui fait allonger au même temps le muscle qui lui est opposé. Puis, s'il arrive en un autre temps que ce dernier s'accourcisse, il fait que le premier se rallonge, et il retire vers soi la partie à laquelle ils sont attachés. Enfin, on sait que tous ces mouvements des muscles, comme aussi tous les sens, dépendent des nerfs, qui sont comme de petits filets ou comme de petits tuyaux qui viennent tous du cerveau, et contiennent ainsi que lui un certain nerf ou vent très subtil qu'on nomme les esprits animaux. Article 8. Quel est le principe de toutes ces fonctions ? Mais on ne sait pas communément en quelle façon ces esprits animaux et ces nerfs contribuent au mouvement et au sens, ni quel est le principe corporel qui les fait agir. C'est pourquoi encore, que j'en ai déjà touché quelque chose en d'autres récits, je ne laisserai pas de dire ici succinctement que pendant que nous vivons, il y a une chaleur continuelle en notre cœur, qui est une espèce de feu que le sang des veines y entretient, et que ce feu est le principe corporel de tous les mouvements de nos membres. Article 9. Comment se fait le mouvement du cœur ? Son premier effet est qu'il dilate le sang dont les cavités du cœur sont remplies, ce qui est cause que ce sang, ayant besoin d'occuper un plus grand lieu, passe avec impétuosité de la cavité droite dans la veine artérieuse et de la gauche dans la grande artère. Puis, cette dilatation cessant, il entre incontinent de nouveau sang de la veine cave en la cavité droite du cœur et de l'artère veineuse en la gauche. Car il y a de petites pauses entrées de ces quatre vaisseaux, tellement disposées qu'elles font que le sang ne peut entrer dans le cœur que par les deux derniers, ni en sortir que par les deux autres. Le nouveau sang entré dans le cœur y est incontinent, après raréfié en même temps que le précédent. Et c'est en cela seul que consiste le pouls ou battement du cœur et des artères, en sorte que ce battement se réitère autant de fois qu'il entre de nouveau sang dans le cœur. C'est aussi cela seul qui donne au sang son mouvement, et fait qu'il coule sans cesse très vite en toutes les artères et les veines, au moyen de quoi il porte la chaleur qu'il acquiert dans le cœur à toutes les autres parties du corps, et il leur sert de nourriture. Article 10. Comment les esprits animaux sont produits dans le cerveau ? Mais ce qu'il y a ici de plus considérable, c'est que toutes les plus vives et plus subtiles parties du sang, que la chaleur a raréfiées dans le cœur, entrent sans cesse en grande quantité dans les cavités du cerveau. Et la raison qui fait qu'elles y vont plus tôt qu'en aucun autre lieu est que tout le sang qui sort du cœur par la grande artère prend son cours en ligne droite vers ce lieu-là, et que, n'y pouvant pas tout entrer à cause qu'il n'y a que des passages fort étroits, celles de ces parties qui sont les plus agitées et les plus subtiles y passent seules pendant que le reste se répand en tous les autres endroits du corps. Or, ces parties du sang très subtiles composent les esprits animaux, et elles n'ont besoin à cet effet de recevoir aucun autre changement dans le cerveau, sinon qu'elles y sont séparées, des autres parties du sang moins subtiles. Car ce que je nomme ici des esprits ne sont que des corps, et ils n'ont point d'autres propriétés, sinon que ce sont des corps très petits et qui se meuvent très vite, ainsi que les parties de la flamme qui sortent d'un flambeau. En sorte qu'ils ne s'arrêtent en aucun lieu, et qu'à mesure qu'il en entre quelques-uns dans les cavités du cerveau, il en sort aussi quelques autres par les pores qui sont en sa substance, lesquels pores les conduisent dans les nerfs, et de là dans les muscles, au moyen de quoi il meuve le corps en toutes les diverses façons qu'il peut être mu. Article 11. Comment se font les mouvements des muscles? Car la seule chose de tous les mouvements des membres est que quelques muscles s'accourcissent et que leurs opposés s'allongent, ainsi qu'il a déjà été dit. Et la seule cause qui fait qu'un muscle s'accourcit plutôt que son opposé est qu'il vient tant soit peu plus d'esprit du cerveau vers lui que vers l'autre. Non pas que les esprits qui viennent immédiatement du cerveau suffisent seuls pour mouvoir ses muscles, mais ils déterminent les autres esprits qui sont déjà dans ces deux muscles à sortir tous fort promptement de l'un d'eux et passer dans l'autre, au moyen de quoi celui d'où ils sortent devient plus long et plus lâche, et celui dans lequel ils entrent, étant promptement enflé par eux, s'accourcit et tire le membre auquel il est attaché. Ce qui est facile à concevoir, pourvu que l'on sache qu'il n'y a que fort peu d'esprits animaux qui viennent continuellement du cerveau vers chaque muscle, mais qu'il y a toujours quantité d'autres enfermés dans le même muscle qui s'y meuvent très vite, quelquefois en tournoyant seulement dans le lieu où ils sont, à savoir lorsqu'ils ne trouvent point de passages ouverts pour en sortir, et quelquefois en coulant dans le muscle opposé. D'autant qu'il y a de petites ouvertures en chacun de ces muscles par où ces esprits peuvent couler de l'un dans l'autre, et qui sont tellement disposés que lorsque les esprits qui viennent du cerveau vers l'un d'eux ont tant soit peu plus de force que ceux qui vont vers l'autre, ils ouvrent toutes les entrées par où les esprits de l'autre muscle peuvent passer en celui-ci, et ferment en même temps toutes celles par où les esprits de celui-ci peuvent passer en l'autre, au moyen de quoi tous les esprits contenus auparavant en ces deux muscles s'assemblent en l'un d'eux fort promptement, et ainsi l'enflent et l'accourcissent, pendant que l'autre s'allonge et se relâche. Article 12. Comment les objets de dehors agissent contre les organes des sens? Il reste encore ici à savoir les causes qui font que les esprits ne coulent pas toujours du cerveau dans les muscles en même façon, et qu'il en vient quelquefois plus vers les uns que vers les autres, car outre l'action de l'âme qui véritablement est en nous l'une de ces causes, ainsi que je dirai ci-après, il y en a encore deux autres, qui ne dépendent que du corps, lesquels il est besoin de remarquer. La première consiste en la diversité des mouvements qui sont excités dans les organes des sens par leur objet, laquelle j'ai déjà expliquée assez amplement en la dioptrique, mais enfin que ceux qui verront cet écrit n'aient pas besoin d'en avoir lu d'autres. Je répéterai ici qu'il y a trois choses à considérer dans les nerfs, à savoir leur moelle ou substance intérieure qui s'étend en forme de petits filets depuis le cerveau, d'où elle prend son origine, jusqu'aux extrémités des autres membres auxquels ces filets sont attachés, puis les peaux qui les environnent, et qui, étant continues avec celles qui enveloppent le cerveau, composent de petits tuyaux dans lesquels ces petits filets sont enfermés. Puis enfin les esprits animaux, qui, étant portés par ces mêmes tuyaux depuis les cerveaux jusqu'aux muscles, sont cause que ces filets y demeurent entièrement libres et étendus, en telle sorte que la moindre chose qui meut la partie du corps ou l'extrémité de quelqu'un d'eux est attachée, fait mouvoir par même moyen la partie du cerveau, d'où il vient, en même façon que lorsqu'on tire un des bouts d'une corde, on fait mouvoir l'autre.